Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal, la grande édition de cette mi-journée du 11 mai 2018. En voici tout de suite les grandes articulations. Le commissaire provincial de la police à Tchankouzo est aux arrêts et séjourne depuis hier à la prison pour hommes d'Ongozi. Il est poursuivi pour atteinte à la sécurité publique. Un salon régional de l'industrie se tient à Bujumbura la semaine prochaine. Une bonne occasion de stimuler ce secteur mis à mal par des désorganisations liées aux crises répétitives qu'a connues le pays. Et puis, dans ce journal, nous parlerons également du retrait des cartes d'électeurs qui se poursuit à travers tout le pays, mais de longues chaînes s'observent dans les centres de vote. Et en République démocratique du Congo, la riposte s'organise face au cas d'Ebola signalé dans la province de l'Équateur à l'ouest du pays. Les autorités donnent un bilan qui couvre la période du 8 au 10 mai en décès et 11 cas de fièvre hémorragique. Et ce 11 mai marque la date anniversaire de la mort de Bob Marley, que les mélomanes Rasta appellent le roi du reggae. En cela, nous rappellera que le rastafarisme est un mode de vie qui ne se résume en aucun cas au port des dreadlocks ni au fait de fumer du chanvre. C'est un reportage d'Alida Naïkeza. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un salon régional de l'industrie va se tenir à Bujumbura du 14 au 16 juin prochain, selon l'Association des industriels du Burundi. Cet événement est pour stimuler le secteur de l'industrie burundaise qui connaît ces derniers jours des désorganisations consécutives aux crises répétitives. Dans une conférence de presse ce vendredi, le président de cette association, Olivier Soguru, a précisé que ce sera aussi le moment de promouvoir les produits des industries burundaises qui sont en arrière par rapport aux industries des pays de la communauté est-africaine. Joseph Nsabiyabandi a suivi cette conférence de presse. Bonjour Joseph, dites-nous ce qui a été dit. Bonjour. Ce salon d'industrie se tiendra à l'hôtel Club du lac Tanganyika. Selon le président de l'Association des industriels du Burundi, le salon sera une occasion pour les Burundais de promouvoir les produits fabriqués au Burundi. Le salon en soi-même va contribuer à promouvoir nos industries par la visibilité même de ce que nous produisons. Et aussi, ça va aussi être une occasion pour nos membres de pouvoir échanger avec les industries sœurs qui sont dans la communauté des États d'Afrique de l'Est et aider à réduire les unités à vocation industrielle pour qu'ils puissent quitter l'informel vers le secteur formel. Ce secteur de l'industrie connaît pas mal de problèmes, d'après toujours Olivier Suguro. Les problèmes les plus cités sont liés à l'énergie, l'enclavement du Burundi et la lenteur administrative. L'environnement des affaires connaît encore beaucoup de dysfonctionnements et le niveau des infrastructures l'empêche de relancer son industrie et de pleinement tirer l'avantage de sa participation aux différents processus de l'intégration régionale. Face à cette situation désavantageuse, il convient toutefois de souligner que le Burundi possède un énorme potentiel avéré de croissance, à la condition d'écarter les obstacles qui minent la transformation en profondeur des produits du secteur agricole et rendent impossible une exploitation mieux organisée et respectueuse de l'environnement du secteur minier, la promotion et le développement du tourisme, la promotion des innovations technologiques et des services, notamment financiers. Le président de l'Association des industriels du Burundi appelle les autorités et toute personnalité impliquée dans la promotion de l'industrie au Burundi de s'y investir afin d'élever l'industrie burundaise au niveau des industries des pays de l'Afrique de l'Est. Merci Joseph Nsabiyabandi en direct de ce studio. La sécurité est bonne mais volatile dans le secteur 5 contrôlé par les militaires burundais en mission de maintien de la paix en Somalie. Selon le général de brigade Victor Ndou Mukiza, les Al-Shabaab tendent néanmoins régulièrement des embuscades. Malgré cette situation, le représentant spécial de l'Union africaine en Somalie précise que le retrait des troupes de la MISOM se fera graduellement. C'est un reportage de Mireille Kanyange qui est de retour de la Somalie. Oh. C'est le général de brigade Victor Ndou Mukiza, commandant du 10e contingent burundais de la MISOM. Il précise que les Al-Shabaab usent des engins explosifs improvisés et sont en position de faiblesse. Nous sommes presque partis du point zéro. Al-Shabaab contrôlait la totalité du pays. Alors on a dû combattre de l'aéroport, Dori en rue, de quartier en quartier, jusqu'à libérer la ville de Mogadiscio et ses périphéries, jusqu'où nous sommes à Johar pour le moment. Pour le moment, je dirais que Al-Shabaab a sensiblement été vaincu, mais il reste imprévisible. Du côté du premier groupement situé à Mahadaï, à 16 km de Johar Town, le quartier général du contingent burundais, les défis, c'est entre autres les barrières linguistiques et le matériel insuffisant, comme l'indique le lieutenant-colonel Setarara Jérémy, chargé du renseignement au premier groupement. C'est entre autres la barrière linguistique qui pose un frein pour accéder à l'information et à un temps utile. Je trouverai un Somalien qui voudrait vous faire une information, mais quand vous n'avez pas d'interprète, vous n'y accédez pas. Alors, nous avons une bonne partie de la population qui est prise en otage. Nous sommes en face de moyens matériels qui ne sont pas suffisants et qui font défaut souvent pour monter certaines opérations. Les forces locales sont loin de faire preuve de prendre la relève dès que nous aurons quitté la Somalie. Malgré cette situation, le retrait des troupes de la MISOM selon la résolution onusienne 2372, stipulant qu'en 2021, il y aura retrait définitif, se fera graduellement, souligne Francisco Madaira, envoyé spécial de l'Union africaine en Somalie. La même résolution nous dit clairement que ça, il s'agit d'un processus graduel, responsable de transition de responsabilité sécuritaire aux Somaliens. Ça veut dire que ces échéances-là doivent dépendre de la vélocité avec laquelle le processus d'une transition responsable va se faire. Dans ce sens, on peut envisager la possibilité qu'on puisse continuer à travailler ici au-delà de 2021, mais peut-être dans un autre contexte. 5 pays sont contributeurs de troupes en Somalie, à savoir le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie et Djibouti. Jusqu'à fin 2017, la MISOM a réduit les troupes en Somalie jusqu'à 1000 hommes, dont près de 250 militaires burundais. Mireille Kanyang qui vient de séjourner en Somalie. Il est 13h04 à Bujumbura. Vous êtes branché sur Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. Être rasta n'a rien à voir avec le port de dreadlocks ou fumer de la marijuana. C'est en tout cas la conviction de Clovis Blaise Korichiza. Il est rasta depuis plus de 20 ans. Il rappelle que le rastafarisme est un mode de vie qui prône l'amour du prochain et l'entraide. Clovis Korichiza ajoute que les gens se trompent en pensant que les rastas ne peuvent pas réussir dans leur vie. Il le dit ce 11 mai, date anniversaire de la mort de Bob Marley. Reportage Ali Dandaïkeza. Le rythme du reggae, les dreadlocks, sont quelques-unes des caractéristiques souvent attribuées au Rastaman. Cela fait 24 ans que Clovis Blaise Korichiza est Rasta. Il indique que l'amour est le fondement du rastafarisme. Le rastafarisme, c'est un style de vie. Cette bonté, cette vie que tu essaies de partager avec les autres. C'est le respect d'autrui, les valeurs des autres que tu dois respecter. Et c'est aussi la parole de Dieu qui vient au-dessus de tout. Pour lui, ce sont les messages contenus dans le reggae qui lui ont fait rejoindre son mouvement. Ça a commencé, j'étais à l'école primaire. Ça a grandi à moi, je comprenais même pas ce qu'il disait, mais j'aimais le reggae. Tout en grandissant, j'ai compris des messages qui étaient dans les chansons et tout. Et puis, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. C'est cette vie rasta qui fait que moi, j'ai choisi cette vie. Manandi Kumana a 10 ans comme fille rasta. Elle précise qu'elle vit bien. Je suis une rasta, j'adore ma vie de rasta. Ce que je prône, c'est la paix, c'est l'amour. Parfois, se mettre à la place de l'autre. C'est ça ma vie en tant que rasta. C'est beaucoup plus dans ma tête, dans le cœur, comment j'interagis avec les gens, comment je vis avec tout le monde, mon entourage, et toujours faire le bien, essayer à chaque fois de trouver le juste milieu. Toute personne qui a des dreadlocks n'est pas rasta. Clovis Korichiza. Ça veut pas dire que si tu as les dreadlocks, tu es automatiquement rasta. C'est une coiffure comme tant d'autres. Mais pour nous, les rastas, avoir les dreadlocks, c'est avoir son identité. C'est le repère. Tu te retrouves avec tes frères, vous pouvez vous retrouver facilement parmi tant d'autres personnes. Mais ça veut pas dire que n'importe qui a des dreads, qu'il est rasta. Il rejette également l'idée que tout rasta consomme la drogue. Faire le rapport avec le marijuana et le rastafarisme, c'est deux choses différentes. Parce que même Haile Selassie, le Royal of Judah, lui, il ne prenait pas de marijuana, mais il était à la tête du rastafarisme. Pour dire que c'est pas un truc que tu dois faire pour être rasta. Le marijuana, c'est une plante médicinale. médicinal comme tant d'autres, mais le prendre en excès, c'est ça qui est vraiment néfaste pour la vie de n'importe qui. Clovis et Mana indiquent qu'ils ont connu des problèmes par rapport à leur choix de vie. Moi, je me rappelle quand j'ai mis les dreads pour la première fois, ça n'a pas été facile. Jusqu'à maintenant, il y a toujours ces clichés qui disent que les Rastas, ils restent sans boulot, sans études. Et je me sentais un peu écarté de l'ensemble des autres personnes, même dans la famille, même dans l'entourage, dans le social. La plupart du temps, quand on voit les dreads, souvent on me dit que je dois fumer de la ganja. La meilleure question que j'ai eue, souvent on me dit quand est-ce que tu vas retirer ça ? Et ils ne comprennent pas que ce sont mes cheveux que je twiste d'une certaine manière pour avoir des cheveux longs. Je n'aurai pas de résidus, je n'aurai pas de produits chimiques dans mes cheveux, ça, et c'est ce que j'essaie absolument d'éviter. C'est quelque part toxique. Selon Clovis Kulichiza, un rasta peut réussir dans sa vie. Moi, j'ai fait des études. J'ai mon boulot maintenant et très sérieux. Grâce à Dieu, avec le temps, avec les années, avec le changement, je crois qu'il commence vraiment bien à nous accepter. Ouais. Le mouvement rastafarisme est né dans les années 1930. Bob Marley fait partie de ceux qui l'ont fait connaître dans le monde entier à travers la musique. Et cela fait 37 ans qu'il est mort. Merci Alida Ndaïkeza pour ce rappel de ce qui était Bob Marley. Le ministère de la Justice compte organiser une formation en faveur des lauréats du baccalauréat à la faculté de droit de l'Université du Burundi pour leur permettre d'accéder à la profession d'avocat. L'inspecteur général et porte-parole du ministère de la Justice précise que même si la loi y relative serait révisée, la formation est un préalable. Ce qui est très important, ce n'est pas la révision de cette loi, mais ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'aujourd'hui, les avocats que nous avons aujourd'hui, comme ce sont des acteurs de justice, est-ce qu'ils ont suffisamment de bagages intellectuels ? Au niveau du ministère de la Justice, il y a, à travers le centre de formation professionnelle de la justice, il est préconisé que les avocats, et surtout les nouveaux avocats, eux aussi puissent avoir une formation au niveau de ce centre. Les lauréats évoquent le décret présidentiel de 2015 portant équivalence des diplômes de baccalauréat et celui de licence de l'ancien système. Je ne peux pas entrer trop en détail en ce qui concerne ce décret parce que le décret insiste beaucoup sur l'équivalence administrative. Au niveau académique, celui qui a fait 3 ans et celui qui a fait 4 ans, vous comprenez bien qu'au niveau de la formation, des recherches de fin d'études, ils n'ont pas utilisé le même volume horaire pour terminer ces études. Même si la commission n'a pas encore produit le rapport, même s'il advenait que la loi change, je crois que les lauréats des baccalauréats pour accéder à la profession d'avocat, ça serait impérable de passer au centre afin qu'ils puissent bien prester au niveau des barreaux. Voilà, c'était Adolphe Avdiarimana, inspecteur général et porte-parole du ministère de la Justice. C'est donc tous les lauréats de baccalauréat dans les différentes facultés de droit à travers le pays. Il précise qu'une commission a été mise en place pour répondre aux préoccupations de ceux qui disent être discriminés dans ce secteur. Et le retrait des cartes d'électeurs se poursuit à travers le pays, je vous l'avais dit, à 2 jours de l'expiration du délai prévu. De longues chaînes s'observent dans les centres de vote et la population demande de revoir à la hausse le nombre d'agents de la Commission électorale nationale indépendante affectés à ce travail, comme a pu le constater Annonciate Ndabarushimana. Elle a fait le tour de quelques centres dans la capitale, Bujumbura. Reportage. De longues chaînes de personnes qui attendent leur carte d'électeur s'observent sur plusieurs centres de vote du sud de la ville de Bujumbura visitée. Certains disent qu'ils passent plus de 2 heures avant d'être servis. Ici, c'est au centre de vote situé au lycée international dans le quartier de Kinanila 2. Un autre citoyen rencontré au lycée fondamental de Luziba dit qu'il vient de passer 2 jours sans être servi. Certains se demandent le sort réservé à ceux qui n'auront pas retiré leur carte d'électeur au dernier jour, soit ce dimanche. Le président de la CECI, Mouha Adolphe Nshimirimana, appelle les administratifs à s'impliquer pour que ce travail se déroule en toute tranquillité. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé que ce travail va prendre fin ce dimanche, cela à partir de ce mercredi. Annonciate Ndabarushimana, stagiaire à notre station. Une personne a été sérieusement tabassée ce vendredi matin au village 6 de la commune Gihanga. Ndaruhamagaye Alexandre, surnommé Kinu, membre de la coalition Amizero Abarundi, selon les témoins sur place au village, aurait été battu pour détention de documents de propagande contre le projet de constitution. Les sources sur place au village 6 indiquent qu'il a été battu par des Imbonerakure et qu'ils ont commencé à discuter entre oui et non sur ce projet, ce qui est également confirmé par le chef de colline, Innocent Honouziza, dit qu'ils ont essayé d'arrêter la bagarre et que l'argent qui avait été dépouillé à la victime lui a été remis. Deux prévenus se sont évadés au cours de cette nuit à la prison centrale de Bobanza. Beaucoup de tirs ont été entendus vers la petite matinée de ce vendredi. Ndaïsenga Fabrice Nzeiman Alexandre, accusé de vol qualifié, n'était pas encore jugé selon la police, qui affirme également être à leur poursuite. Et le commissaire provincial de la police en province Tiankouzo est depuis hier locataire de la prison pour hommes d'Ongozi. Il est accusé de mise en danger de la sécurité publique car son pistolet a été saisi dans la main d'un civil. Et puis, le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida renseigne, déclare qu'il reste vigilant face à l'épidémie d'Ebola qui est signalée de l'autre côté de la frontière burundaise dans la province de l'Équateur en RDC. Dr Tade Ndikumana l'a déclaré ce vendredi lors d'un point de presse. Il signale que jusqu'ici, aucun cas n'a été signalé sur le territoire burundais. Précisons donc qu'en République démocratique du Congo, la riposte s'organise face au cas d'Ebola signalé dans la province de l'Équateur à l'ouest du pays. Et le ministre de la Santé, Dr Oli Ilunga Kalenga, a tenu jeudi un point de presse sur la nouvelle épidémie d'Ebola. Selon des sources humanitaires et médicales, les débuts de l'épidémie pourraient remonter à plusieurs mois. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Eli Kadogo a mis en onde ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro Jean Bosco, Ndouimana a passé une très bonne journée.